Wir sind Franzosen! Woher hätte ich sonst diesen dämlichen Akzent? Avec le garçon, s'il vous plaît. Je voudrais coucher avec le garçon, s'il vous plaît. Et habite dans mon cendrier. Et habite dans mon cendrier. Non, non, non, je n'aime pas du tout les femmes. Non, non, non, je n'aime pas du tout les femmes. Je mange au très grand singe, je mange au très grand singe, je mange au très grand singe, je mange des non, non, non, je n'aime pas du tout les femmes. Oh Gott, diese Pariser.